mon argent. Reviens, faut que je craque. Faut que je craque. Faut que je craque. Tout mon fric. Fausse alerte. Tous mes comptes remontent. Je craque, faut que je craque, je m'emballe.